Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Maxime Le Forestier, son titre San Francisco sur RGM. Il est pile 8h37. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 10 février 1930. Naissance de Robert Wagner, acteur américain vu dans Austin Powers 1, 2 et 3 dans le rôle de numéro 2. La série télé La Star de la Famille dans le rôle de Jack Fairfield. Ou encore NCIS Enquête Spéciale dans le rôle d'Anthony DiNozzo Sr. 1937, naissance de Roberta Flack, chanteuse américaine qui a interprété le titre Killing Me Softly With a Song, reprise notamment par les Fugees. On écoute tout de suite un extrait. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words. Softly with his song. Voilà pour l'extrait de Roberta Flack. Allez, on continue les anniversaires. 1941, naissance de Michael Apted, réalisateur britannique à qui l'on doit Le Monde ne suffit pas, Le Monde de Narnia, L'Odyssée du Passeur d'Aurore. C'est également l'année de naissance de Mark Norman, scénariste américain du film Shakespeare in Love, récompensé de l'Oscar du meilleur scénario original. 1949, naissance de Maxime Le Forestier, chanteur français. 1964, naissance de Paco Tous, acteur espagnol, connu pour son rôle de Moscou dans la série La Casa de Papel. 1967, naissance de Laura Dern, actrice américaine vue dans Blue Velvet, Sailor et Lula dans le rôle de Lula Pace, Jurassic Park 1 et 3 dans le rôle du docteur Ellie Sattler, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Jurassic World 3, sortie prévue pour 2021, vue également dans Nos Étoiles Contraires dans le rôle de Franny, Star Wars épisode 8 Les Derniers Jedi dans le rôle du vice-amiral Holdo, Les Filles du docteur Marsh Marsh dans le rôle de Marmee Marsh ou encore la série télé Big Little Lies dans le rôle de Renata Klein. 1978, naissance de Don Omar, rappeur américain. 1981, naissance de Natasha Saint-Pierre, chanteuse canadienne. 1987, naissance de Victor Troicki, joueur de tennis serbe professionnel depuis 2006. Meilleur classement à l'ATP, la 12e place atteinte en 2011. Ses meilleures performances en Grand Chelem sont 8e de finale à Roland-Garros et Wimbledon, 16e de finale à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. Il a remporté une Coupe Davis avec la Serbie en 2010, deux World Team Cup en 2009 et 2012 et une ATP Cup en 2020. 1991, naissance d'Emma Roberts, actrice mannequin américaine, fille d'Eric Roberts et c'est la nièce de Julia Roberts, vue dans Valentine's Day dans le rôle de Grace. Scream Cat, vue à la télévision dans la série Ally Singer dans le rôle d'Ally Singer ou encore American Horror Story. 1992, naissance de Kevin Mayer, athlète d'épreuve combinée français, champion du monde du décathlon en 2017, actuel champion du monde en salle de l'heptathlon en 2018. Il a remporté la médaille d'argent du décathlon des Jeux Olympiques de 2016 qui avait lieu à Rio. Il est également titré à l'heptathlon lors des championnats d'Europe en salle en 2017. Il détient depuis le 16 septembre 2018 le record du monde du décathlon avec 9126 points et depuis le 5 mars 2017 le record d'Europe en salle de l'heptathlon avec plus de 6000 points. On termine les anniversaires en 1997 avec la naissance de Chloé Moretz, actrice américaine vue dans Kick-Ass 1 et 2 dans le rôle de Mindy McReed alias Hit Girl dans Dark Shadows, Nos Pires Voisins 2, à la télévision dans Desperate Housewives ou encore Dirty Sexy Money dans le rôle de Kiki George. Allez, on vient de parler d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, scénaristes et cette nuit, eh bien, avait lieu la cérémonie des Oscars. Et a remporté l'Oscar du meilleur acteur Joaquin Phoenix pour son rôle dans le film Joker. Oscar de la meilleure actrice pour Renée Zellweger pour son rôle dans le film Judy. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Dern qui fête son anniversaire aujourd'hui pour le film Marriage Story. Le grand vainqueur de cette cérémonie des Oscars est le film Parasite, récompensé de l'Oscar du meilleur film. Du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho, du meilleur scénario pour Han Jin-won, Oscar du meilleur film en langue étrangère également. Et le film 1917 a reçu 3 Oscars, celui de la meilleure photo, l'Oscar du meilleur mixage son et enfin Oscar meilleur effet visuel. Voilà donc pour cette cérémonie des Oscars qui a donc eu lieu cette nuit. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause avec Don Omar, Lucenzo et Danza Kuduro. A&X, all'orfanato. Danza Kuduro! Lucenzo! La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza, danza hoy. Que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y sacude duro. La mano arriba, cintura sola. Te canse ahora, que tú solo empiezas. Don Omar Lucenzo avec le titre Danza Kuduro sur le 107FM. Il est un petit peu plus de 8h46, on refait un point sur la météo. La météo. Alors pour aujourd'hui, je vous le rappelle, la tempête Ciara qui est bel et bien parmi nous depuis hier soir avec donc d'énormes rafales de vent. Soyez vigilants si vous devez prendre la route, si vous n'êtes pas obligé de sortir de chez vous, eh bien restez tranquille à la maison. Pour l'instant, on a droit à des éclaircies, mais la pluie sera bel et bien parmi nous aujourd'hui avec des températures pour ce matin entre 8 et 9 degrés. Et pour cet après-midi, eh ben, on aura les mêmes températures, voire 1 ou 2 degrés de moins, entre 7 et 8 en pleine et entre 8 et 9 sur... Non, c'est l'inverse. 7 et 8 sur Remiremont et 8 et 9 en pleine. Je vais y arriver. Pour mardi, on aura encore du vent et la pluie sera encore parmi nous. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévues pour demain après-midi. Mercredi, journée mitigée, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le hockey sur glace et la D2. C'était le dernier match de la saison régulière samedi à la patinoire de Poissompré. Épinal affrontait Ouescal. Épinal s'est imposé 6 buts à 0. Épinal termine donc premier de son groupe, mais également des deux poules. Épinal est donc assuré d'avoir l'avantage de la glace jusqu'en finale. Mais bon, faudra y aller en finale. Et le premier tour des playoffs, ce sera contre Vaujany. Et tout de suite, eh bien, on écoute la réaction du président de l'EHC. Gauthier, c'était le dernier match de la saison régulière. Quel bilan incroyable. Je pense que si en début de saison, on avait dit que l'EHC terminerait avec aucune défaite dans le temps réglementaire, je pense que tout le monde signait d'entrée. Ah oui, oui, complètement. C'est vrai que nous, l'équipe, on l'a pas monté pour avoir de tels résultats. On l'a vraiment monté pour être compétitif. Et on connaissait pas trop le championnat de Division 2. On s'attendait quand même en face à des équipes un peu plus virulentes, à l'image de ce qu'on a vécu avec Rouen et Français Volants ici. Mais c'est vrai que terminer, comme vous l'avez dit, avec des victoires dans le temps, aucune défaite dans le temps réglementaire, c'est en tout cas, ça s'annonce formidable. C'est vrai que c'était une saison incroyable avec une patinoire pleine à craquer. On ne sait plus quoi dire par rapport aux supporters d'Épinal. C'est vraiment incroyable. Bah moi, la seule chose que je veux leur dire, comme à chaque match, c'est merci, parce que on sait que sans eux, on n'en serait pas là, parce que ça galvanise d'un point de vue sportif ou d'un point de vue administratif. On le sait que ça fait du bien, ça motive, et on a envie d'en faire plus pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Alors là, ça va être une toute nouvelle histoire qui va s'ouvrir, c'est les playoffs, avec là la deuxième poule, et là c'est encore plus l'inconnu. On connaît quelques équipes, mais on les connaît pas toutes. Là, ça va vraiment être autre chose. Alors, comme on dit dans le hockey, c'est que les choses sérieuses, elles commencent maintenant. La saison régulière, on s'est amusé. Là, on va attaquer les choses sérieuses avec un nouveau championnat. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe, au départ, elle a été recrutée pour les playoffs. On a des joueurs qui n'attendent que ça. Et je pense qu'on a certains qui vont se montrer sous un nouveau jour pendant les playoffs. On n'aura pas de grandes surprises par rapport à certains, mais j'attends avec impatience le démarrage parce que ça va être encore plus intense et sur des matchs couperets, le public aura besoin de lui. Et justement, le public, il peut être présent, mais jusqu'au bout, parce qu'avec les très bons résultats d'Épinal, Épinal est assuré d'avoir l'avantage de la glace jusqu'en finale. Et ça, c'est un petit plus aussi de se dire, on peut avoir la finale à la maison, comme en Détroit, le carré final. On peut se dire, la finale, on peut la faire à la maison. C'est aussi un plus. Ouais, bon, les frissons remontent forcément quand on parle de la finale d'un Détroit. Mais on peut l'avoir chez nous, et surtout ce qu'on peut, que beaucoup de clubs nous envient, c'est que si on l'a chez nous avec le public qu'on a, on sait que pour les autres ça va être très très compliqué. Parce qu'ils sont tellement poussés et puis la patinoire pleine à craquer, ça va vraiment être compliqué pour les autres. Et on est un des seuls clubs en France où on peut en tout cas se vanter, on peut le dire, d'avoir un public aussi formidable. Oui, parce que le public d'Épinal en D2 peut rivaliser avec un public de Ligue Magnus sans problème. Hein. Largement. Le match contre Meudon du mois de janvier, on tape le top 3 des records d'influence en France, donc toutes divisions confondues. C'est exceptionnel. En D2, c'est exceptionnel. Voilà. Alors, tout le monde disait, personne ne l'aurait pensé, mais au final, quand on réfléchit un petit peu avec tout ce qu'a vécu Épinal depuis la création du hockey, c'était pas prévisible et puis on peut jamais le prévoir. Mais c'est tellement beau et à chaque match c'est pareil. C'est magnifique. Merci Gauthier, rendez-vous plus offre. Voilà donc pour la réaction du président Gauthier Valence à la fin de ce dernier match de saison régulière. Donc comme je le disais, un rendez-vous au play-off pour le match se déroulant à Épinal. Hein, ce sera le samedi 22 février contre Vaujany. Allez, on continue l'actu sportive et on va parler basket féminin tout d'abord avec le tournoi de qualification olympique. Les Françaises avaient 3 matchs à disputer. Eh bien, c'est 3 matchs et 3 victoires pour nos Bleus. Le premier, elles l'avaient remporté. Hein, vous l'avez d'ailleurs précisé. Et ce week-end, c'était contre le Brésil et contre Porto Rico. Et contre le Brésil, victoire 89 à 72 et contre Porto Rico, 89 à 51. Carton plein donc pour nos Françaises qui vont direction Tokyo. Bravo les Bleus. En Pro B, Nancy s'est imposée à Aix-Maurienne, 75 à 85. Et en National 1, le Jet Vosges s'est incliné face à Saint-Vallier, 77 à 85. En football, les résultats de la Ligue 1 avec Lille qui s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse d'Angers. Marseille s'est imposé 1 but à 0 face à Toulouse. Monaco s'est imposé sur la pelouse d'Amiens 2 à 1. Dijon et Nantes ont fait match nul, 3 buts partout. Bordeaux s'est imposé à Metz 2 buts à 1. Nîmes s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Nice. Rennes et Brest ont fait match nul, 0 partout. Montpellier s'est imposé 1 but à 0 face à Saint-Étienne. Strasbourg s'est imposé 3 buts à 0 face à Reims. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 2 face à Lyon en Ligue 1. Nancy a fait match nul à Rodez, 1 but partout, et en National 2, Épinal a fait match nul, 1 but partout face à l'équipe 2 de Reims. Prochain match pour le SAS Épinal, c'est ce jeudi en Coupe de France, on en parle. Quart de finale historique pour le SAS Épinal Football avec la réception de Saint-Étienne. Le match a lieu à Nancy, il y a encore quelques places en vente. Un mot de judo avec le tournoi de Paris et le 6e sacre côté féminin pour Clarisse Agbenyounou. En revanche, coup de tonnerre pour Teddy Riner qui a été battu dès le 3e tour. Sa première défaite depuis plus de 9 ans et depuis 154 combats. Espérons que ça ne présage rien de pas bon. Hein, on est quand même à quelques mois hein, des Jeux Olympiques. Hein. En rugby, tournoi destination, la France a battu l'Italie 35 à 22. En ski alpin, slalom de Chamonix, victoire de Clément Noël. On va parler de saut à la perche, puisque Armand Duplantis a battu ce week-end le record du monde de Renaud Lavilloni. Maintenant, le record est à 6,17 m. Un mot de tennis pour finir avec le tournoi de Montpellier où Gaël Monfils s'est imposé en finale en 2-7 face à Pospisil. Il y a plusieurs tournois cette semaine, j'en compte 5. Et à Rotterdam, aujourd'hui, Manarino affrontera Carreno Busta. Et au tournoi de Wahin, Paquet affrontera Plipuek. Oui, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va le dire comme ça. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Natacha Saint-Pierre. Son titre, Mourir demain, en duo avec Pascal Obispo. Y'a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Y'en a qui voudraient revoir la mer. Mourir.